À demain. Il y a dans le registre fossile européen un petit souci. On retrouve depuis de nombreuses années en Europe de l'Ouest et jusqu'en Turquie des animaux qui n'ont rien à y faire. Une faune terrestre homogène mais distincte de celle de l'Europe et de l'Asie. Que s'est-il donc passé géologiquement à ce croisement entre les Balkans et l'Anatolie ? Une hypothèse toute récente propose l'existence d'un nouveau continent, un continent caché, coincé entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Le nom de ce continent, la Balkanatolie. Sa découverte lève plusieurs zones d'ombre sur le peuplement de la faune européenne il y a 40 millions d'années, y compris de certains primates. Il était une fois en Balkanatolie, c'est le programme paléontologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous raconter cette découverte aussi passionnante que sidérante, il faut bien le dire, j'ai le plaisir de recevoir deux décidiataires de l'étude dont nous allons vous parler tout au long de cette heure. Nous sommes en ligne avec Alexis Licht, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS, géologue et paléoclimatologue au CEREJ de l'université Aix-Marseille. Et j'ai ici à mes côtés Grégoire Mettet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS au Centre de Recherche en Paléontologie du Muséum National d'Histoire Naturelle. Mais on commence par celle que je ne cesse de redécouvrir chaque jour. Oh. C'est Natacha Trieux pour le Journal des Sciences. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Et on commence le journal avec une enquête parue ce matin dans le journal Le Monde, une enquête sur l'ampleur du gaspillage des vaccins contre le Covid-19. Oui, et selon cette enquête, le gâchis est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Le bilan total est loin d'être chiffré, mais on a déjà un bilan assez affolant pour ce qui est des péremptions au sein des stocks des pays riches. Selon le bilan de Airfinity, une société d'analyse de données de santé, dans les pays riches, 240 millions de doses de vaccins ont fini à la poubelle, ou plus exactement, à l'incinérateur. Mais le bilan mondial de ce gaspillage est peut-être deux fois plus élevé. Car les pays du Nord se sont défaits de millions de doses de vaccins à l'automne, parfois juste avant leur date de péremption. Ce qui a eu pour conséquence de nombreuses destructions dans les pays bénéficiaires de ces dons, qui n'ont pas pu organiser des campagnes de vaccination suffisamment rapides. Plus de 500 millions de doses de vaccins sont peut-être déjà périmées. Lise Barnéou est journaliste scientifique indépendante, elle a mené cette enquête. Une des découvertes dans cette enquête, c'est que donc ces vaccins ont des durées de vie extrêmement courtes, 10 mois pour AstraZeneca. Normalement, un vaccin, ça a plus de 3 ans de durée de vie. Et donc, ces 6 mois-là, c'est extrêmement compliqué, particulièrement quand on reçoit des vaccins, puis quand on les redonne et quand ils doivent être redéployés dans un autre pays. On comprend bien que 6 mois, c'est pas suffisant pour organiser des campagnes de vaccination paisibles. L'Agence européenne du médicament a demandé à ses industriels d'abord de fournir des études de stabilité pour prouver que leurs produits ne perdaient pas en efficacité durant 6 mois. Donc ça, c'était une obligation. Et par ailleurs, il y avait une recommandation pour que ces industriels fournissent en fait des données supplémentaires pour étendre ces durées de vie. Ce qu'a fait en fait la plupart des industriels, sauf AstraZeneca, qui lui n'a jamais demandé d'extension de la durée de vie de son produit, et qui est donc resté bloqué aux 6 mois. Il y a un autre élément aussi dont on n'a pas encore parlé qui explique ce gâchis, c'est qu'à partir du moment où les pays riches ont acheté la majeure partie des doses fabriquées au début de l'hiver 2021, quand on a commencé à avoir des vaccins. Et puis après, on a tellement accumulé de stocks qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait trop. Et donc là, les pays riches ont décidé d'en donner un petit peu au dernier moment. Et à ce moment-là, c'est ajouté une barrière juridique, en fait, parce que dans les contrats qui avaient été signés pour ces achats, eh bien, les pays ne pouvaient pas donner comme ça, comme ils l'entendaient. Il fallait l'autorisation écrite de l'industriel pour que chaque pays puisse donner ses doses à un autre pays. En fait, toutes ces étapes-là font que des doses arrivent parfois avec à peine 3-4 semaines de durée de vie dans les pays bénéficiaires des dons. Voilà, un pays comme le Nigeria qui reçoit pour le seul mois d'octobre 2,6 millions de doses d'AstraZeneca avec parfois à peine 4 semaines de durée de vie récente. Bon, bah, on comprend bien la difficulté d'un pays comme celui-ci pour organiser une campagne vaccinale tambour battant dans un pays comme celui-là. Et si vous voulez lire en intégralité cette enquête de Lise Barnet, où vous pouvez retrouver le lien vers le journal Le Monde qui l'a publié, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Le Royaume-Uni s'approche d'un taux de contamination de Covid-19 historique. Oui, selon le dernier bilan du Bureau des statistiques nationales du Royaume-Uni, la semaine dernière, 4,26 millions de Britanniques étaient contaminés par le SARS-CoV-2, soit une personne sur 16. On s'approche donc du niveau record des 4,3 millions d'infections de la première semaine de janvier 2022. Dans toute l'Angleterre, les infections ont augmenté dans toutes les régions et dans tous les groupes d'âge, notamment les plus de 50 ans, des chiffres qui s'expliquent en partie par la forte contagiosité du variant BA2. Une étude parue dans la revue Nature propose une nouvelle histoire de la formation de la Voie lactée. Une équipe suédoise a combiné les données astrométriques du satellite Gaïa de l'ESA et les données astrochimiques du grand télescope chinois LAMOST. Les chercheurs ont ainsi recalculé avec précision les âges de 250 000 étoiles de notre galaxie. Un âge que l'on peut obtenir avec la luminosité d'une étoile et avec sa métallicité, si elle est riche ou pauvre en métaux. Les chercheurs se sont concentrés sur des géantes dans différentes régions de notre galaxie, le disque fin et le disque épais. Il se trouve que le disque épais est beaucoup plus ancien qu'on ne le pensait. Il aurait commencé à se former il y a 13 milliards d'années, 2 milliards d'années plus tôt que prévu, et seulement 0,8 milliards d'années après le Big Bang. Et enfin, selon une étude parue dans Nature Climate Change, les baby boomers ont une empreinte climatique plus forte que les autres générations. Et cette équipe internationale a regardé l'empreinte des gaz à effet de serre de la consommation des ménages entre 2005 et 2015 dans 32 pays riches et dans tous les groupes d'âge. Si toutes les tranches d'âge ont réduit leurs émissions sur ce laps de temps, 3,7 tonnes pour les moins de 30 ans, 2,7 tonnes pour les 30-44 ans, seuls les plus de 60 ans ont à peine baissé leur empreinte carbone. Selon les auteurs, les habitudes de consommation des seniors sont plus rigides. Ils seraient à l'origine de 33% des émissions de gaz à effet de serre. Au cours de la dernière décennie, les personnes âgées jouent un rôle de premier plan dans l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Merci Natacha, et à demain pour le prochain journal des sciences. Tout a démarré il y a 5 ou 6 ans. Des paléontologues français et américains ainsi que des géologues fouillent plusieurs sites en Anatolie, aussi appelé Asie mineure si vous n'avez pas la carte en tête. C'est l'extrémité occidentale de l'Asie et ça recouvre essentiellement le territoire turc. Or, les résultats de ces fouilles sont bien étranges. Certains fossiles animaux datant de 40 à 50 millions d'années sont donc curieux. On ne les retrouve nulle part ailleurs dans les couches voisines. Et pour certains de ces fossiles, les analogues les plus proches se trouvent en Amérique du Sud. Et cette faune disparaît presque d'un coup entre 40 et 37 millions d'années avant un événement que l'on appelle la Grande Coupure qui se déroule il y a 34 millions d'années et qui marque le remplacement de la faune d'Europe de l'Ouest par celle venue d'Asie. Alors que s'est-il passé en l'espace de quelques dizaines de millions d'années? L'hypothèse publiée en mars par nos deux invités et leur équipe est la suivante. L'existence d'un sous-continent isolé, autonome, appelé Balkanatolie, qui finira par rejoindre le bloc européen et asiatique et sur lequel ont prospéré et ont dérivé génétiquement toutes ces espèces insolites. Grégoire Mettet, Alexis Licht, est-ce que le résumé est bon, Grégoire Mettet? Je vous laisse le compléter ou l'amender. Non, il est plutôt bon. J'ai bien fait mes devoirs. Oui, tout à fait. C'est très bien résumé. On a en effet une faune tout à fait endémique de Balkanatolie qui est individualisée jusqu'à 45 millions d'années. Et ensuite, on a une succession comme ça de faunes qui, en domino, arrivent jusqu'à la Grande Coupure en Europe. Ce que je voudrais dire, c'est en préalable, c'est que pour l'instant, en Balkanatolie, on a très peu de données en fait. Hein. On a que pour cette période éocène que deux horizons fossilifères, un qui est à peu près à 45 et l'autre dont on va parler, qui est l'objet de ce papier, qui est à peu près à 38, entre 38 et 35. Donc voilà. On va revenir hein, sur justement les données dont vous disposez et qui vous permettent d'élaborer cette hypothèse. Peut-être je vais laisser Alexis Licht aussi également compléter ce résumé à grands traits que nous avons bien sûr précisé tout au long de cette heure. Alexis, Vous avez fait un, Une description qui est totalement correcte. Et je rajouterais, après le commentaire de Grégoire, qu'effectivement, on a deux horizons qui sont bien détaillés, mais qu'après, on a une multitude de sites individuels qui corroborent le scénario que nous avons proposé dans notre publication il y a quelques semaines. Alors, avant de partir donc sur cette étude qui a été publiée donc en mars dans la revue Earth Science Reviews, peut-être qu'on peut faire pour commencer et pour nos auditrices et nos auditeurs une sorte de rappel des épisodes précédents. Où est-ce qu'on est? À quelle époque? À quoi ressemble cette partie du globe? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon du propriétaire en quelque sorte, Grégoire Mettet? Je suggère plutôt Alexis. Alors, de parler de paléogéographie, oui, et de tectonique. Tout à fait. Alors Alexis, je vous laisse Alexis Licht. Alors, autour de 45 à 40 millions d'années, eh bien l'Eurasie, c'est une grande masse continentale dont les contours sont assez différents de l'actuel. On a en Asie de l'Est la Chine continentale, la péninsule indo-chinoise qui sont à peu près similaires à l'actuel. Mais après, toute la zone qui s'étend de l'Inde jusqu'à l'Europe centrale, c'est un assemblage de micro-continents qui ont été longtemps considérés comme étant déconnectés les uns des autres, considérés comme un grand archipel. Et l'Europe de l'Ouest, elle-même, c'est un autre archipel, un peu plus connecté. Et donc, historiquement, on considère l'Europe de l'Ouest et l'Asie de l'Est comme étant deux grandes provinces biogéographiques pour le début du Cénozoïque, donc cette ère géologique qui s'étend sur les 66 derniers millions d'années, et toute la zone centrale comme étant un archipel bigarré que nous avons tenté d'homogénéiser, d'étudier au cours de nos études ces dernières années. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux blocs, Asie d'une part et Europe de l'Est d'autre part, on vient de vous mettre d'ailleurs, par ailleurs, sur notre fil Twitter, une image pour que vous puissiez vous figurer plus simplement, sans qu'on ait besoin de faire des approximations géographiques qui seraient certainement un peu confuses. Ces deux blocs, néanmoins, Europe de l'Ouest et Asie, sont reliés, mais sont reliés par une vaste bande qui est très au nord. Exactement. Alors, toute la partie à haute latitude de l'Eurasie, qui en gros couvre la Sibérie et les plaines d'Europe de l'Est, était déjà émergée au cours de cette période, à part deux grandes mers épicontinentales. Donc, par mer épicontinentale, j'entends des mers peu profondes sur le plateau continental. Donc, ces deux mers épicontinentales séparaient l'Europe de l'Ouest et l'Asie de l'Est. Ces deux mers, il y en avait une qui passait plus ou moins au pied de l'Oural, on appelle ça le détroit de Tourgaï, et puis on avait une deuxième mer, la mer de Pologne, qui passait donc en Europe de l'Est et qui connectait la Baltique à la paléomère méditerranée. Et il faut peut-être préciser, en parlant de paléomère méditerranée, que c'est à cette époque-là que se referme l'océan qu'on a appelé Tétis, justement avec le rapprochement des plaques africaines et asiatiques, et il ne reste finalement qu'une sorte de corridor océanique que l'on appelle Néo-Tétis, c'est bien cela ? Exactement. En fait, la Méditerranée, c'est une relique d'un océan beaucoup plus large qu'on appelait auparavant la Tétis ou la Néo-Tétis dans sa forme terminale, qui connectait l'Atlantique Nord à l'océan Indien à travers la Méditerranée, mais aussi un corridor marin qui serait passé entre l'Irak et l'Iran actuel. Et ce corridor s'est fermé au cours de la collision entre l'Arabie et l'Asie centrale. Et un mot encore pour dresser vraiment ce panorama ou cette espèce de carte postale d'il y a, allez, on va dire, autour de 60 millions d'années. Quel est le climat de cette région du monde ? Alors, c'est une région vaste. Oui. Quels sont les climats plutôt, oui, puisqu'on parle de la Balkanatolie plutôt et de l'Europe de l'Ouest, mais je vous laisse répondre. Alors, entre 60 à 34 millions d'années dans le passé, nous sommes au cours d'une période greenhouse, c'est-à-dire une période à beaucoup plus haute température et à teneur en CO2 atmosphérique beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. À effet de serre. Donc au cours de cette période, on n'avait notamment aucune calotte de glace, ni dans l'hémisphère nord, ni dans l'hémisphère sud, dû à cet effet de serre beaucoup plus élevé. Et donc on avait des climats, des environnements beaucoup plus tropicaux ou subtropicaux, qui s'étendaient jusqu'aux moyennes latitudes, jusqu'à 45 degrés de latitude, donc carrément, quasiment jusqu'à Paris. Grégoire Mettet, est-ce que vous voulez compléter cette description? Juste rajouter éventuellement quelques éléments pour compléter l'image. Non, ce qu'a dit Alexis se reflète aussi dans les faunes qu'on a dans ces différentes zones géographiques. En Europe, on a pour planter le décor, on a des faunes très endémiques. qu'on connaît qu'en Europe. À l'époque, l'Europe est une espèce d'archipel. Et donc des faunes qui sont endémiques depuis à peu près 48 millions d'années et qui vont être endémiques donc depuis 48 millions jusqu'à 34 millions d'années, la fameuse grande coupure. Donc on va expliquer dans quelques secondes. Voilà. En Afrique, on a... Alors non, attends, on va rester puisque vous commencez sur la faune. Cette faune européenne, il faut dire que aujourd'hui, elle est totalement disparue. Elle n'a quasiment pas donné d'espèces contemporaines. Quasiment pas, à l'exception peut-être des gliridés, qui est une famille de rongeurs présentée par le Loir actuellement, et qui était diversifiée durant l'Éocène et qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et le reste de la faune, ça ressemble à quoi alors ? Alors, c'est que des ordres actuels de mammifères, c'est-à-dire des mammifères que l'on connaît bien, mais c'est des groupes qui se sont éteints pour la plupart, soit à la fin de l'Éocène, soit un peu plus tard à la fin de l'Oligocène. Pour planter le décor, on avait par exemple des paléothères qui sont célèbres puisque parmi les premiers fossiles trouvés dans les fameux gypses de Montmartre, à côté d'ici, il y avait des paléothères décrits par Cuvier au début du 19e siècle. Donc ça ressemblait un petit peu à des chevaux entre un cheval et un tapir. On avait aussi des primates qui étaient proches phylogénétiquement des primates actuels de Madagascar, des lémures. On avait aussi des rongeurs, des groupes de rongeurs qui étaient endémiques de l'Europe, hein, qui sont diversifiés durant l'Éocène et durant l'Oligocène, qui n'ont pas été supplantés par les nouveaux arrivants asiatiques. Et puis on avait des artiodactyles aussi qui étaient endémiques, les typanoplotères qui ressemblaient un petit peu à des vaches, on va dire. Alors si je suis vraiment extrêmement sadique avec ma camarade Noémie Leguet de Saint-Vulfranc, ce serait bien qu'on réussisse à trouver certaines illustrations de ces différents clades au moins pour qu'on puisse les poster. Noémie, je suis désolé, voilà, sinon il y a un document auquel tu peux te référer pour pouvoir avoir ces références. Donc ça c'est pour l'Europe de l'Ouest et de l'autre côté, c'est-à-dire du côté asiatique, on a une toute autre faune. On a une toute autre faune qui est à bien des égards proche des faunes que l'on connaît actuellement, avec des rhinocéros, avec des ruminants, avec des primates anthropoïdes, c'est-à-dire les primates qui sont les plus proches de nous. On a des rongeurs aussi qui sont proches des rongeurs modernes. Donc l'Asie a joué un petit peu pendant tout le Cénozoïque comme un petit peu un berceau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes qu'on connaît actuellement qui ont leur origine en Asie. Et au fil des migrations, ces groupes sont arrivés soit en Amérique du Nord, soit en Europe. Donc voilà, on a en Asie une faune qui est très diversifiée et qui, par bien des égards, ressemble à nos faunes actuelles. Et l'histoire que vous nous racontez, que nous allons vous raconter au cours de cette heure, c'est comment cette faune asiatique a rejoint l'Europe de l'Ouest, mais pas par les chemins les plus évidents, justement, par cette étape qui était jusqu'à présent un mystère de ce continent. Et quand on parle de continent, on va essayer de le décrire, parce qu'il ne s'agit pas d'une masse continentale, mais certainement d'un archipel avec des masses un peu plus importantes. Mais tout ça va être défini dans quelques minutes, qu'on appelle donc la Balkanatolie. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et donc à 16h15, nous parlons de ce nouveau continent mystérieux découvert, ou en tout cas l'hypothèse de ce continent nouveau appelé Balkanatolie est détaillée dans un papier publié au mois de mars par notamment Alex Licht, Grégoire Mettet et leur équipe dans Earth Science Reviews. Alex Licht, comment est-ce que a commencé justement votre parcours de recherche ? Depuis combien de temps on se disait finalement qu'il se soit en paléoclimatologie, en paléontologie ou en géologie, qu'il y avait tout de même un problème dans le registre fossile à certains endroits, aujourd'hui, ce qu'on appelle la Turquie notamment, et d'autres petites réserves sur le continent européen. Alors le problème n'est pas nouveau, hein, il date dès le début du XXe siècle. La grande coupure, qui est donc l'arrivée des mammifères asiatiques en Europe de l'Ouest et le déclin des faunes endémiques, elle est identifiée dès la fin des années 1900 par un paléontologue qui s'appelle Stehlin, un paléontologue suisse, à partir de l'étude du registre fossile en Suisse, dans le sud de la France. Et donc son hypothèse, c'est l'arrivée massive de ces mammifères pour expliquer le déclin et le renouvellement des faunes en Europe de l'Ouest. Néanmoins, plus ou moins au cours de la même période, eh bien, d'autres fossiles sont trouvés dans les Balkans, qui montrent une arrivée des mammifères asiatiques bien avant l'âge proposé pour la grande coupure, qui est donc autour de 34 millions d'années. Donc on trouvait des fossiles asiatiques sur des sites qui sont attribués à des âges autour de 40, 38 millions d'années. Donc dès les années 1900, on sait que l'hypothèse marche bien pour l'Europe de l'Ouest, mais elle n'a pas l'air de fonctionner dans les Balkans. Et depuis les années, début des années 2000, avec une accélération au cours des années 2010, il y a tout un tas de nouveaux sites qui ont été identifiés dans les Balkans, en partie grâce à la réexploration de fossiles trouvés dans les années 60-70, qui donc dormaient dans les collections en Hongrie, en Roumanie, et qui ont été réinvestigués par des collègues suisses, des collègues français. Tous ces nouveaux fossiles ont montré qu'il y avait vraiment un problème dans les Balkans et que la grande coupure ne fonctionnait pas là-bas et qu'on avait une arrivée des mammifères asiatiques bien antérieure à la grande coupure. En parallèle, et ça c'est une partie de notre travail, eh bien nous avons pu documenter de nombreux nouveaux sites fossiles en Anatolie où la faune n'a absolument rien à voir ni avec l'Europe de l'Ouest, ni avec les faunes typiques asiatiques. Des faunes endémiques vraiment uniques au monde. Alors je vais peut-être laisser Grégoire... Grégoire s'apprêtait à prendre la relève. Grégoire Métel, je vous en prie. Oui, justement, c'était quoi? À quoi ressemblait? C'est des faunes très étranges, et quand on a commencé à travailler là-bas avec le collègue américain, on s'est vraiment demandé quel âge ça pouvait avoir, parce que vous avez dans cette faune des taxons, des groupes de mammifères qui sont typiquement paléocènes. C'est-à-dire qu'on connaît qu'au paléocène. C'est-à-dire à quelle époque le paléocène, rappelez-nous? On est entre 65 et 55. D'accord. Et donc, à l'époque de cette localité, qui a 45 millions d'années, c'est des véritables fossiles vivants qui sont là. Associés à ça, dans cet assemblage, on a des gros mammifères hippopotamoïdes, qu'on appelle des ambrytopodes, et qui sont d'origine africaine. C'est-à-dire qu'on connaît qu'en Afrique, à cette époque-là. Associés à cela, on a des mammifères métatériens étranges, c'est-à-dire proches des marsupiaux actuels, qui ont, semble-t-il, des origines sud-américaines. Donc comment sont-ils arrivés là? Là encore, mystère. Et puis à côté de ça, on a des formes plus communes pour nous. On a des primates, en l'occurrence un primate, qui semble être arrivé sur le bloc balkanatolien par rafting. Oui. Alors on y reviendra, allez-y. Mais... Donc une dispersion, voilà, via des radeaux, on en reparlera. On va en reparler dans un instant, mais je vous laisse terminer. Voilà, donc on a un assemblage tout à fait atypique, avec des taxons qui ont des affinités européennes, asiatiques pour ce qui est du primate, et africaines. Donc on est vraiment en fait à cet endroit là, au Moyen-Orient, en Asie mineure actuellement, à une zone carrefour entre trois grands domaines, et même quatre si on ajoute l'Inde, domaine biogéographique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Inde. Ouais. Donc on est vraiment une zone carrefour, et donc on a des assemblages tout à fait particuliers qui sont hautement endémiques de cette région-là, Balkanatolie. Et quand on pense notamment à ce que vous avez vous-même appelé des fossiles vivants, forcément, tout de suite, quand on pense évolution, on pense dérive génétique, isolation insulaire. Ou pas? Exactement. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les faunes insulaires sont très particulières et que pour cette raison aussi elles sont sensibles. C'est-à-dire quand il y a des espèces invasives qui arrivent dans un système insulaire, souvent il y a extinction des espèces insulaires. Donc on a ce type d'écosystème insulaire en Balkanatolie il y a à peu près 45 millions d'années. Alors si on revient avant de réfléchir ou de s'interroger sur la question du peuplement de cette zone géographique, Alex Lisch, concrètement en fait sur quel gisement vous êtes allé, parce que ça n'a pas été évident de trouver des gisements fossiles préservés de ce continent hypopétique dont vous suggérez l'existence. Alors, des archives sédimentaires qui couvrent l'histoire de la Balkanatolie, il y en a énormément en Turquie. Le problème, c'est que très souvent, ces archives sédimentaires n'ont pas été explorées pour les fossiles et elles sont datées de manière très lâche, avec des contraintes temporelles à plus ou moins 5 à 10 millions d'années, ce qui est quand même assez large, oui, vu la fenêtre temporelle qu'on étudie. Alors une grande partie de notre travail a été donc d'aller sur le terrain et de chercher des nouveaux sites fossiles, et il s'avère qu'ils sont nombreux quand on se met à regarder. C'est juste que, en fait, quand on ne les cherche pas, on ne les trouve pas. Il faut vraiment avoir un œil entraîné pour trouver les fossiles sur le terrain. Et puis ensuite, de les dater et donc de les passer, de les placer dans un contexte chronologique beaucoup plus précis. C'est vraiment essentiel pour reconstituer une histoire biogéographique, ces datations très précises. Et il y a un site en particulier dont vous avez extrait un certain nombre de fossiles intéressants. C'est un site donc en Turquie qui s'appelle, vous avez le droit de me corriger sur la prononciation, Büyük Teflek. Oui, c'est bien. Oui. C'est bien? C'est bien ça. Bon, ça va. Dites-moi un mot de ce site, comment vous l'avez trouvé, qu'est-ce que vous avez réussi à en extraire comme information? Eh bien, Büyük Teflek, c'est un site que nous avons trouvé en 2018, un peu par hasard. Nous cherchions des affleurements suffisamment épais pour pouvoir faire des descriptions sédimentaires et reconstituer l'histoire d'un bassin. Et donc nous avons trouvé plusieurs dizaines de mètres d'affleurements très jolis, pleins de sol et de chenaux, des environnements très propices à la conservation de fossiles. Et donc très rapidement, en creusant un peu, on a sorti les premières dents, c'est des dents que Grégoire a ensuite préparées au Muséum d'Histoire Naturelle et qui sont maintenant dans les collections du musée d'Eskişehir, en Turquie. Et donc ces fossiles, ils sont particulièrement importants car ce sont les premiers fossiles d'affinité clairement asiatique en Balkanatolie. Ils nous permettent de dater l'arrivée des faunes asiatiques en Balkanatolie. Et la surprise, c'est que cet âge est ancien, plus ancien que la Grande Coupure, ce qui est cohérent avec ce qu'on trouvait dans les Balkans. Mais donc on peut raffiner l'âge d'arrivée des mammifères asiatiques en Balkanatolie, donc cette zone entre les Balkans et l'Anatolie, entre 40 et 38 millions d'années. Donc près de 4 à 6 millions d'années avant leur arrivée en Europe de l'Ouest. Et avant la fameuse grande coupure dont on va parler tout à l'heure. Un mot aussi sur la façon dont vous avez travaillé, sur ce que vous avez mis au jour progressivement, couche par couche, et jusqu'à arriver à la découverte finalement de ce registre fossile inédit, ou en tout cas insulaire. Alors, historiquement, en Turquie, il y a beaucoup de gisements néogènes, c'est-à-dire des gisements qui ont entre 23 millions d'années et le subactuel, parce que ça correspond à une période où le plateau anatolien est complètement surélevé, et donc on a une érosion importante, et donc il y a beaucoup de sites néogènes. En revanche, le paléogène est très très mal connu en Anatolie. Et donc, c'est vraiment un travail vraiment très minutieux de pouvoir documenter ces intervalles et de les documenter de la manière la plus fine possible, pouvoir être précis dans l'histoire qu'on raconte. Auparavant, avant Büyük Teflek, la première occurrence de mammifères asiatiques en Turquie, c'était de l'Oligocène supérieur. Donc on est à peu près à 30 millions d'années. Et c'était des sites qui étaient situés pas loin de Büyük Teflek, dans le même bassin d'ailleurs, le bassin de Çankırı. Et c'était des faunes assez spectaculaires parce qu'elles renferment ce rhinocéros géant qu'on appelle Paraceratherium, qui était le plus grand mammifère terrestre ayant jamais existé. Et donc on avait l'attestation de faunes asiatiques qui arrivaient vers 30 millions d'années. Mais avant, on savait pas. Donc Büyük Teflek nous apporte pour la première fois un jalon qui nous dit, eh bien, dès 38 millions d'années, l'Anatolie était déjà connectée à l'Asie, puisqu'on a des animaux asiatiques qui sont là à cette époque-là. Et alors ça, c'est pour cette époque de 38 millions d'années. Quel est l'élément discriminant pour ce scénario où vous vous dites, il y a donc une masse ou des masses continentales qui ont dérivé, qui ont été isolées? Comment est-ce que, pièce du puzzle par pièce du puzzle, vous aboutissez à votre hypothèse? Les mammifères qu'on a trouvés sont des mammifères ongulés. Alors il y a une très grosse forme qu'on appelle un brontotère, qui avait la taille même plus gros qu'un rhino actuel. Donc vous voyez quelque chose qui est vraiment très gros mammifère. Et puis on a un petit rhinocérotoïde qui est par contre très petit, mais c'est ce type d'animaux, par exemple, ne peuvent pas se disperser par rafting. Ils ne peuvent pas traverser même de courtes étendues d'eau sur un radeau. C'est juste impossible. Ce qui veut dire que si on a ces mammifères, ils sont passés par voie terrestre, donc ils ont pu se déplacer d'Asie vers l'Anatolie via un cordon de terre. Donc il y avait une connexion terrestre entre l'Anatolie et l'Asie. Parce que pour ce qui est de ces populations endémiques inédites que vous avez pu découvrir spécifiques à la Balkanatolie, du coup vous parliez tout à l'heure pour les petits primates de rafting, mais quelles sont les hypothèses justement sur le peuplement et la dérive génétique finalement de ces populations animales inédites que vous avez pu découvrir? Alors, la dérive génétique, c'est difficile pour nous d'avoir accès à ce type de données. Disons qu'on peut dater des événements de colonisation de Balkanatolie, bien que ça reste assez imprécis, puisqu'encore une fois, les faunes qui détaillent, donc les faunes qui sont antérieures à 40 millions d'années, c'est-à-dire l'arrivée de mammifères asiatiques, on en a, mais elles sont, pour la plupart, elles ont livré 1, 2, 3 taxons. Donc on a une vision qui est encore très fragmentaire de ce qu'était la faune endémique de Balkanatolie il y a 45 millions d'années. Voilà. Et on ne sait pas non plus quand est-ce que commence cette histoire. On sait qu'il y a 70 millions d'années, c'est-à-dire avant l'extinction des dinosaures non aviens, on a aussi en Roumanie des faunes qui présentent un fort degré d'endémisme, ce qui veut dire qu'on avait à l'époque déjà un système probablement d'archipel et d'insularité. Mais comment faire le lien entre cette époque-là et puis les faunes qu'on a balkanatoliennes en Anatolie il y a 45 millions d'années? Là, il y a un gros trou, oui. Et une partie de l'histoire qui nous manque. Voilà. Alexis, je voulais rajouter quelque chose sur cette première partie un peu descriptive de vos travaux et de vos conclusions. Non, c'est très clair. Moi, je vais juste rajouter qu'en fait, donc cette l'existence de Balkanatolie en tant que province endémique, elle est basée sur une grande synthèse paléontologique que nous avons faite, donc basée sur plus d'une trentaine de sites qui ont été décrits au cours des 120 dernières années. Et que donc cette synthèse montre bien deux phases. Une phase près 40 millions d'années où on a des faunes endémiques partout, et une phase post 38 millions d'années avec l'arrivée des faunes asiatiques et le déclin vraiment très soudain des faunes endémiques. Elles disparaissent quasi complètement. Et alors, on a le problème du manque de données avant 40 millions d'années, donc ce sont des données assez parcellaires, même si on a au final à peu près une dizaine de sites, certains très riches, d'autres juste avec un ou deux taxons. Et oui, les sites avant 50 millions d'années, on n'en a quasiment aucun, donc impossible de connaître la naissance de la Balkanatolie comme province biogéographique indépendante. On va néanmoins continuer à s'intéresser à cette Balkanatolie et à détailler finalement de manière un peu chronologique le récit de sa liaison, d'abord avec le continent asiatique, puis avec l'Europe de l'Ouest. On va essayer de comprendre comment cette histoire géologique raconte aussi l'histoire paléontologique du peuplement animal de tout le continent européen. Ce sera dans quelques minutes musicales. Fossils de Ben Chatwin à 16h35 sur France Culture, puisque eh bien, c'est l'un des éléments centraux de notre conversation du jour. Nous parlons de la Balkanatolie, de ce sous-continent coincé entre l'Europe de l'Ouest et l'Asie, qui vient d'être identifié par une équipe de chercheurs dont font partie Alexis Licht, qui est avec nous, chargé de recherche CNRS, géologue et paléoclimatologue au CEREJ à l'Université d'Aix-Marseille, et Grégoire Mettet, chargé de recherche CNRS au Centre de recherche en paléontologie du Muséum National d'Histoire Naturelle. Nous aurions évidemment tant aimé vous emmener en Balkanatolie sur les fouilles qui révèlent toutes ces créatures étranges, surtout Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolé, vous avez quand même fait un beau voyage en train jusqu'à une fuite dans le Luberon. Et oui, et plus précisément, je suis allé dans le parc naturel régional du Luberon, à quelques encablures de Cérest, et j'ai pu rencontrer Pauline Coster, qui est paléontologue au sein du parc, et notre invité Alexis Licht, mais vous aussi Grégoire Mettet, vous avez eu l'amabilité de m'accueillir sur un chantier de fouilles particulièrement riche. Pauline Coster nous explique de quelle nature sont les nombreux fossiles découverts sur le site par toute l'équipe des paléontologues, paléobotanistes ou paléoentomologues. Quant à Alexis Licht, il nous aide à refaire le pont entre ce site fouillé en France de la éloigné de la Balkanatolie. Alors c'est un site qui se trouve dans une forêt, donc on est entouré de pins. Donc on est en Provence et le site, en fait, il s'agit d'un endroit où des calcaires sont visibles et c'est des calcaires qui sont en lamine, donc qui se débitent en plaquettes. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on a ouvert une zone dans la forêt où on cherche ces calcaires en plaquettes et on les débite en plaques pour trouver les fossiles qui sont à l'intérieur. On a un affleurement qui est très visible face à nous. Pourquoi est-ce que cet affleurement-là, pour vous, est particulièrement intéressant, particulièrement riche à étudier ? En fait, c'est un site de fouille historique, donc qui a été fouillé depuis longtemps, d'abord par des collectionneurs privés, puis ensuite par des paléontologues. Et c'est un site qui a livré beaucoup de fossiles, parce qu'on se trouve dans des niveaux en fait qui sont très riches. Donc c'est pour ça qu'on les exploite encore aujourd'hui. Vous êtes paléontologue, je crois qu'il y a, bon là on entend qu'il y a l'équipe qui s'affaire autour, il y a plusieurs spécialités qui travaillent aujourd'hui sur ce site-là. Quelles sont ces spécialités qui dialoguent et qui recherchent ensemble ? Alors aujourd'hui on a sur le site des gens qui travaillent avec les plantes, donc des paléobotanistes. Mmh. On a aussi des gens qui sont spécialisés dans l'étude des insectes fossiles, des paléoentomologistes. On a des paléontologues des vertébrés, qui cherchent plus des fossiles de poissons, de mammifères ou d'oiseaux. Et on a aussi des sédimentologues qui regardent les faciès sédimentaires pour comprendre les environnements de dépôt. À nos pieds, on a plusieurs cagettes avec plusieurs lames, plusieurs éclats de calcaire très fins. À quoi correspondent ces éclats-là ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ici et pourquoi vous les avez répartis de cette façon-là ? Alors là, on range dans les cagettes des éclats, des plaques de calcaire sur lesquelles on a trouvé des fossiles. Donc ils ne sont pas tous visibles parce qu'il y en a certains qu'il faut ensuite dégager et travailler en laboratoire pour les préparer. Mais donc on les a classés, on a les fossiles de poissons d'un côté, les plantes et les insectes de l'autre. Si on devait localiser un petit peu temporellement ce gisement-là, ce site-là, voilà, à quelle époque ça correspond ? À quel moment du passé ça nous fait remonter ? Alors là, on se trouve dans l'ère tertiaire, donc c'est vraiment l'ère des mammifères et des oiseaux. C'est un site qui date de l'Oligocène, donc autour de 30 millions d'années. Donc on est après la fin des dinosaures, de tous les dinosaures sauf les oiseaux, et on est vraiment au début de l'histoire des mammifères. Si on devait décrire un petit peu ce qu'on peut trouver dans ces trouvailles-là, alors déjà, peut-être, là, c'est combien de temps de travail ? C'est juste la matinée ? Oui, là, c'est tout ce qu'on a trouvé depuis ce matin. Mmh. Donc ici, par exemple, on voit un fossile de poisson. Donc il n'est pas complètement dégagé parce qu'il est recouvert par une fine couche de calcaire. Mmh. Et donc on voit bien le poisson avec les vertèbres et puis les arêtes et sa tête qui se... Voilà. Donc en lumière rasante, on peut mieux voir les détails. On a aussi ce type de choses. Donc ça a été interprété comme des fossiles de méduses. Donc c'est ces formes rondes avec une espèce de forme étoilée au milieu. Voilà. Et on a pas mal de poissons. Et ici, on a des restes de plantes. Alors par exemple, ici, on voit une trace de feuille avec les nervures. Elle est un peu cassée malheureusement, mais on voit quand même bien le détail. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de mettre en lien la faune, la flore, Voilà, pourquoi ces fossiles de feuilles viennent dialoguer et viennent éclairer finalement cette époque-là d'une façon particulière et intéressante? Ben, parce qu'en fait, après, ça nous permet de reconstituer l'environnement passé, le climat, les habitats, et puis de reconstituer l'histoire complète de ce site à partir de plein de données différentes. Là, on a vu un fossile de poisson. C'est un poisson plutôt lacustre. C'est pas là, il y avait pas la mer ici. On est d'accord. Oui, là, on est dans des lacs. Voilà, on se trouve dans des grands lacs qui recouvraient la Provence à l'époque. On entend des petits bruits de cassage. C'est un peu le bagne ici. En fait. Oui, exactement. On casse du caillou toute la journée. Mais on trouve des trésors, donc c'est ça qui est intéressant. Et là, c'est un site, si on doit le donner ses dimensions un petit peu, c'est pas gigantesque. On est sur un espace très circonscrit et pourtant, il y a déjà plein de choses. C'est fou. Oui, alors là, c'est un site qui fait quelques dizaines de mètres carrés. Et les niveaux qui sont fossilifères, ils sont vraiment sur un mètre d'épaisseur. Donc c'est assez concentré, en fait, comme niveau. Comment on peut expliquer cette concentration-là, cette richesse-là, particulièrement à cet endroit-là? Est-ce que c'est qu'il y a eu des phénomènes géologiques qui ont fait que ça s'est concentré là? Oui, alors dans ces lacs, en fait, il a été montré qu'il y avait des voiles algaires, des voiles d'algues qui, en fait, se déposaient par-dessus les animaux, les plantes mortes et qui permettaient de mieux les préserver. C'est ce qui donne cet aspect un peu brun oui, aux lames. Oui, cet aspect laminé. Un peu lisse. Ouais. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un site qui est protégé. Ouais. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de collectionneurs de fossiles qui venaient pour chercher des fossiles et puis les revendre. Et donc aujourd'hui, c'est protégé pour qu'il y ait seulement les scientifiques qui puissent y avoir accès et puis sauvegarder ces données. On est au milieu de la forêt, comment on protège un endroit comme ça? Ça, c'est difficile, hein, mais on essaye de surveiller et puis de venir de temps en temps pour voir qu'il n'y a pas d'activité sur le site à part celle des chercheurs. La magie de la radio, on va vous retrouver dans quelques instants en studio. Si on doit faire le pont entre le sujet de notre émission, la Balkanatolis, cette étude que vous avez publiée récemment et ce chantier de fouilles, quel serait le pont que vous pourriez réaliser? Pont qui pourrait être de toute façon enrichi en studio. L'une des grandes questions que nous nous posons sur la Balkanatolis, comment cette faune endémique s'est assemblée et puis surtout comment elle a disparu et les mécanismes qui ont mené à la disparition des espèces endémiques, donc à leur déclin, et à la domination des espèces invasives asiatiques. Et en fait, ce qui se passe en Balkanatolie il y a entre 40 et 38 millions d'années se passe aussi en Europe, quelques millions d'années plus tard, donc c'est la grande coupure. Et donc, comprendre la grande coupure, les mécanismes qui mènent à l'extinction des espèces endémiques européennes et à l'arrivée des espèces asiatiques, c'est une bonne fenêtre pour essayer de comprendre ce qui se passe en Balkanatolie quelques millions d'années auparavant. Ce que nous essayons aussi de comprendre, c'est si les espèces qui arrivent à la grande coupure en Europe de l'Ouest, si elles sont passées par la Balkanatolie ou si elles sont passées par d'autres chemins, notamment par l'Europe du Nord. Et donc toutes les espèces de vertébrés fossiles que nous pourrions trouver dans le parc du Luberon ont un intérêt important car nous allons essayer de les relier avec celles que nous trouvons en Balkanatolie. Et voir si ce sont bien les mêmes ou si elles n'ont aucun rapport. Et donc si elles n'ont aucun rapport, c'est que vraisemblablement elles sont venues d'autre part. Enfin, l'autre intérêt, c'est essayer de comprendre, reconstituer les écosystèmes d'Europe de l'Ouest au cours de cette période et les comparer avec ce qui se passe en Balkanatolie au cours de cette période. Pour comprendre si l'ouverture et la fermeture des corridors de dispersion qui sont associés à ces grands mouvements de faune de vertébrés sont associés à des changements d'écosystème. Et si c'est le cas, eh bien les identifier. Donc en comparant les assemblages de flore que nous trouvons sur les sites en Europe de l'Ouest avec ceux que nous trouvons en Balkanatolie, eh bien, on peut répondre partiellement à cette question. Et voilà la magie de la radio opérante, car Alexis Lich, vous pouvez commenter vos propres propos à quelques jours d'écart pour refaire le lien et revenir en Balkanatolie. J'avais raison il y a quelques jours, j'ai encore raison aujourd'hui. C'est bien, cette constance est tout à votre honneur. Je suis cohérent, oui. Je peux peut-être vous décrire où je suis, car je suis toujours dans le Luberon, je ne suis pas avec vous en studio. Je suis en extérieur, au sommet d'une falaise d'à peu près d'une cinquantaine de mètres, avec encore mes étudiants, et nous sommes en train de décrire les roches sédimentaires encore pour quelques jours. Et je suis exactement 15 mètres au-dessus des niveaux de la grande coupure. D'accord. Une partie de notre travail ces jours-ci, c'est donc de décrire les roches sédimentaires, d'essayer de mieux les dater, de les relier aux faunes et aux écosystèmes que l'on trouve sur les sites fossiles dans le Luberon. Alors ça tombe bien parce qu'on va reparler de la grande coupure, mais Grégoire Mettet voulait réagir avant. Non, c'est les sites dont a parlé Pauline à côté de ces restes sont bien après la grande coupure, puisqu'on est au cours de l'Oligocène. C'est des sites magnifiques à préservation exceptionnelle, mais non loin de ces restes, il y a une autre localité qui s'appelle La Débruche, qui est aussi dans le Luberon, à côté de Apt, qui elle est de prime importance pour comprendre justement le début des événements qui ont amené à la grande coupure, puisque La Débruche a livré un anthracotère. Et c'est la première occurrence d'anthracotères dans l'Europe de l'Ouest. Les anthracotères, c'est des mammifères d'origine asiatique qui sont étroitement apparentés aux hippopotames actuels et aux cétacés. Oui. Et qui font leur première apparence à La Débruche. Donc on a vraiment à La Débruche, qui est doté à peu près de 38 millions d'années, 37-38 millions d'années, on a les prémices, les premières étapes de ce que va être la grande coupure quelques millions d'années plus tard. Alors justement, que va être la grande coupure? Qu'est-ce qu'on appelle la grande coupure qui se produit à 34 millions d'années? Alors, comme l'a dit Alexis tout à l'heure, il faut replacer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que le terme a été proposé par Stéline au début du XXe siècle, et à l'époque c'était plus pour une... Stéline voyait un turnover, un renouvellement important de faune, mais son propos était aussi stratigraphique, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des controverses pour savoir où était la limite éocène-oligocène dans le bassin de Paris, et la plupart des géologues pensaient que c'était au sommet des fameux gypses de Montmartre dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Stéline disait non, il y a les marnes supragypseuses de Pantin, d'Argenteuil, enfin, on est au cœur du bassin de Paris, vous reconnaissez les localités. Et il a identifié donc un renouvellement faunique, mais à l'époque, il n'avait pas vraiment conscience que c'était quelque chose qui se faisait d'abord à l'échelle de toute l'Europe, puisqu'il raisonnait à l'échelle de bassin. Et puis, il n'avait pas non plus conscience que c'était en fait relié à des événements climatiques et tectoniques majeurs qui ont été mis en évidence après. Quels sont-ils, Alexis Lich, ces événements climatiques et tectoniques majeurs qui provoquent la grande coupure? Alors, ils sont dramatiques. En fait, cette période autour de 34 millions d'années, c'est l'un des événements climatiques les plus dramatiques, si ce n'est le plus dramatique depuis le début du tertiaire, et donc l'extinction des dinosaures et ces grands changements d'écosystèmes qui lui sont associés. La période autour de 34 millions d'années, eh bien, c'est la première grande glaciation et c'est la mise en place de la calotte antarctique. On passe d'un Antarctique quasiment sans glace à un Antarctique qui est entièrement recouvert par les glaces, et cet épisode est associé avec une chute du niveau marin de l'ordre de 70 mètres, c'est monstrueux, et un refroidissement global. Et le déclencheur de cette mise en place de la calotte antarctique, c'est vraisemblablement une chute à long terme du CO2 atmosphérique, donc à très long terme, donc sur des millions d'années, voire des dizaines de millions d'années, qui atteint donc une valeur seuil qui permet la nucléation, puis l'expansion de cette calotte. Alors, du coup, cette grande coupure, on l'a entendu, hein, effectivement, un événement. Vous vouliez peut-être compléter ce que vient de dire Alexis Licht, Grégoire Mettet? Non, juste, oui, compléter avec ce qu'on constate au niveau des fossiles, c'est-à-dire que ces changements climatiques majeurs, ils vont évidemment recomposer les paysages, et ça aussi, ça va participer de la grande coupure, c'est-à-dire que nos faunes européennes tropicales dont on parlait au début, elles vont être supplantées et progressivement remplacées par des faunes asiatiques qui semblaient être plus efficaces dans des milieux un peu plus secs et plus saisonniers. Et alors, si on revient à la Balkanatolie, l'hypothèse que vous faites, c'est qu'il y aurait en fait eu une pré-grande coupure. Alexis Licht, qu'est-ce que vous entendez par une pré-grande coupure? Quelle est finalement la frise chronologique que l'on peut détailler à partir de vos travaux pour comprendre comment cette Balkanatolie a joué un rôle central, finalement, notamment dans la transformation complète de la faune d'Europe de l'Ouest? Eh bien, avant notre synthèse qui met en évidence l'existence de la Balkanatolie. Le scénario, c'était deux provinces biogéographiques, Asie de l'Est, Europe, et un événement à 34 millions d'années, la grande coupure, donc l'arrivée massive des mammifères asiatiques. Ce que montre notre synthèse et notre recherche, c'est l'existence de ce continent qui joue le rôle de zone tampon entre l'Asie et l'Europe, avec tout d'abord une première arrivée des mammifères asiatiques en Balkanatolie entre 40 et 38 millions d'années, et donc une pré-grande coupure dans le sens où on a donc cette arrivée d'espèces invasives et un déclin des faunes endémiques, qui est ensuite suivi de la grande coupure à 34 millions d'années, le dernier itinéraire, le dernier voyage des mammifères asiatiques jusqu'en Europe de l'Ouest, que, sans doute à travers une connexion entre la Balkanatolie et l'Europe de l'Ouest, bien qu'un deuxième itinéraire aux plus hautes latitudes est encore débattu. Oui, on reviendra sur ce deuxième itinéraire. Grégoire Métay, donc l'idée, c'est voilà, premier rapprochement continental entre la Balkanatolie et l'Asie, premier passage finalement de la faune asiatique qui va donc détruire, comme vous l'avez constaté, la faune endémique de Balkanatolie, quelques millions d'années, et puis connexion avec l'Europe de l'Ouest, et deuxième passage finalement vers l'Europe de l'Ouest, et là une fois de plus, complètement. Comment est-ce qu'on explique le succès aussi puissant alors vous en avez donné des éléments de réponse il y a quelques instants, mais finalement le succès écologique de ces populations et de cette faune venue d'Asie par rapport aux faunes endémiques et de Balkanatolie et d'Europe de l'Ouest. Il y a sûrement plusieurs facteurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, les faunes qui sont dans des zones endémiques, des zones insulaires, souvent quand elles sont mises en contact avec des espèces invasives qui sont issues de plus grandes zones géographiques, souvent il y a une mise en compétition, une disparition de ces faunes locales. C'est un petit peu ce à quoi on a assisté pendant la grande coupure. Alors, c'est vrai qu'il y a eu... Et il y a parfois encore une vision assez caricaturale de la grande coupure, où on voit des troupeaux arriver comme ça et supplanter. En fait, c'est ce que montre notre étude, c'est que c'est aussi beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. La Balkanatolie a joué en fait un rôle de sas, plus ou moins, entre l'Asie et l'Europe occidentale, et que même si à l'échelle des temps géologiques, ça paraît brutal, hein, l'extinction des formes européennes endémiques, ça s'est joué quand même sûrement sur plusieurs centaines de milliers d'années. Et il y a certaines formes qui persistent. Par exemple, je pense au caïnotère, qui est un groupe d'ongulés qui ressemblait un petit peu à des lapins, qui apparaissent à peu près vers 40 millions d'années en Europe. D'ailleurs, ça serait intéressant parce que c'est certainement peut-être lié aussi à la Balkanatolie, mais ça c'est une autre question. Et qui sont assez peu affectés globalement par la grande coupure, un petit peu, mais qui persistent pendant tout l'Oligocène et même le début du Miocène. Donc en fait, on a certains groupes qui sont très affectés, les artiodactyles et les périssodactyles sont très affectés, mais d'autres groupes le sont un peu moins. Et si on prend les... Parce que là, on parle beaucoup de mammifères, mais il n'y a pas que les mammifères. Oui. Par exemple, les tortues sont passées la grande coupure sans aucune... Sans sourciller. Les crocodiles aussi, quasiment. Et par contre, si on prend les squamates, donc tout ce qui est serpents, lézards, etc., ont été aussi très touchés. Il y a eu un renouvellement majeur aussi à la grande coupure pour les lézards. Et pour les amphibiens aussi, je crois qu'il y a un renouvellement important. Qu'est-ce qui empêche de penser, Alexis Licht, finalement, que tout ce beau monde, toutes ces populations de faune asiatique, au lieu de passer par ce sas de la Balkanatolie, seraient finalement passées par le chemin peut-être un peu plus long, mais le chemin du Nord, puisque l'Asie et l'Europe de l'Ouest étaient connectées par le Nord? Eh bien, l'hypothèse historique, c'est que le passage par le nord était bloqué par ces deux mers épicontinentales que j'ai mentionnées auparavant. Mais des études récentes montrent qu'en fait, ces mers épicontinentales se sont asséchées plusieurs fois bien avant la grande coupure. Et cela associé à aucun changement de faune majeur. On ne voit pas de dispersion lors de ces épisodes d'assèchement. Donc l'hypothèse que c'est un assèchement de ces mers épicontinentales qui contrôle la dispersion bat un peu de l'aile. L'autre grand problème, c'est que aux hautes latitudes, eh bien le climat il est plus tempéré, voire boréal, et qu'une bonne partie des faunes qui vivent en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, qui ensuite migrent, se dispersent jusqu'en Europe de l'Ouest, elles sont peu ou mal adapté à ces climats de plus haute latitude. Alors ce n'est pas le cas de toutes les espèces. Certaines On les trouve en Mongolie, par exemple, et ensuite on les retrouve en Europe. Donc elles étaient vraisemblablement déjà adaptées à des climats de plus haute latitude. Mais certaines, ce sont vraiment des espèces tropicales ou subtropicales, des espèces notamment aquatiques ou semi-aquatiques, qui avaient des modes de vie comme les hippopotames aujourd'hui. Et donc, ces espèces, on les trouve en Asie du Sud-Est, et puis on les trouve ensuite en Europe de l'Ouest. Difficile de les faire passer à travers des forêts boréales. Non, juste pour rajouter qu'en fait, il y avait certainement plusieurs voies d'accès, entre guillemets, à l'Europe occidentale. Il y a des collègues suisses qui travaillent beaucoup sur les micro-mammifères qui ont mis en évidence qu'il y a des chrysétidés, donc des ancêtres de nos hamsters actuels, hein, qui arrivent dans le sud de l'Allemagne juste avant la Grande Coupure. Donc, on n'en a pas de traces pour l'instant, nous, en Anatolie. Ce qui veut dire qu'il y avait peut-être des voies de passage plus au nord. Tout ça, c'est encore pas très très clair. Ce dont on est sûr, c'est que l'Anatolie a joué et le Balkan Anatolia a joué un rôle de sas. Si tous les mammifères sont passés par là, ça, pour l'instant, on peut pas le tester avec certitude. Alors, justement, pour conclure, Alexis Licht, en fait, vous venez de proposer un nouveau modèle paléoclimato, bref, avec beaucoup de disciplines concernées. Quelle est la suite, en fait? Quelles sont les étapes qui manquent et non pas qui mentent? On parlait tout à l'heure avec Grégoire Mettet du fait que, eh bien, il y a quand même un trou dans la raquette pour connaître le peuplement de cette zone. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je crois que vous avez réussi à obtenir une bourse ENR conséquente, c'est-à-dire une bourse de recherche européenne pour poursuivre ces travaux. Oui, une bourse ERC. ERC, pardon. Oui, sur un sujet annexe, mais sur lequel il y a néanmoins quelques connexions. Alors, les questions sont extrêmement nombreuses et les directions de recherche, pas infinies, mais on peut y passer des dizaines d'années. En fait, on vient de mettre une nouvelle province biogéographique sur la carte pour laquelle l'histoire est complètement vide. Vous parliez de trous dans la raquette. Ce que nous avons réussi à démontrer, c'est la fin de l'endémisme entre 40 et 38 millions d'années, mais toute l'histoire initiale de la Balkanatolie reste à écrire. Aucun site n'a vraiment été décrit. Les quelques sites documentés sont très faiblement datés et sous-utilisés. Il y a énormément de travail de terrain, à la fois en paléontologie, en géochronologie, pour dater ces sites fossiles à faire. Donc c'est très excitant. Autre chose à documenter, c'est que là, nous avons parlé de ces ouvertures, fermetures, de corridors de dispersion entre Asie, Balkanatolie, Europe. Eh bien, l'une des grandes questions, c'est qu'est-ce qui contrôle l'ouverture et la fermeture de ces corridors de dispersion? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est l'évolution de la paléogéographie? Et donc, ces événements tectoniques associés à la fermeture de la Néotétis, donc l'océan qui prédatait la mer Méditerranée. Donc énormément de travail aussi en tectonique à faire sur le terrain. Et un mot pour conclure, en un mot, Grégoire Mettet. Non, juste, je plus sois complètement à ce qu'a dit Alexis, on a plein de pain sur la planche, c'est vraiment excitant. Juste pour donner une image de ce qu'était la Balkanatolie, je pense qu'on peut prendre l'analogie de la région indonésienne actuelle. C'est-à-dire que vous avez des blocs comme ça continentaux qui sont séparés par des mers assez profondes, mais les zones sont vraiment proches, hein, par exemple entre l'île des Célèbes et l'île de Sumatra. Et vous avez des faunes très différentes, très endémiques, qui sont séparées par des lignes de démarcation, dont la ligne de Wallace ou la ligne de Lydekker, qui étaient des naturalistes célèbres au XIXe siècle. Donc une bonne analogie de ce qu'était la Balkanatolia et de ses relations avec l'Europe occidentale, je pense que c'est actuellement l'Indonésie et toute la région Philippines, Australie, Indonésie. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour ces travaux. Félicitations et merci d'être venus nous les exposer brillamment au micro de la méthode scientifique. Merci Alexis Licht, merci Grégoire Mettet. C'était Félix Delacour aujourd'hui à la technique et nous, on se retrouve demain jusqu'à preuve du contraire.